chapitre du livre du clandestin. Pour le meilleur, pour le pire et pour l'avenir, le clandestin se s'entourer pour mieux grandir. Une basse de batterie, une guitare, des claviers, un sampleur de plus. Voilà le plan d'attaque pour le prochain opus. Bye.